東京メンタル。 Mes chers compatriotes. Oh non, non, la ferme. Tu vas la fermer. La ferme. Ferme-la. Est-ce que tu m'as dit d'aller me faire foutre? Toi, va te faire foutre. T'es pas traiteur. T'es mort. Alors quoi? Tu oses me menacer, petit connard? La ferme. Ferme-la. Allons enfants de la patrie. Le jour de gloire. Les mutants venant directement de la 8e dimension. Je ne suis pas un numéro. My God, it's full of stars. Watashi no koe ga kikoemasu ka? Minasan, yōkoso. Ore ga stereo desu. Tu sais. La même à présent Tokyo Mental. It's the most beautiful, ugly sound in the world. それは各自に任せるとして、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。 ラジオプルさん。 一期一会や。 一期一会。 せやからうちはいつもさようならって心の中で言いながら舞うんや。さようなら、さようなら。 ただ身を結んだからほんまなわけやない。叶わへんかったからそれがほんまもんやないわけやない。それとな、恋はな、人にだけするもんやない。まずは芸に恋してね。人はその恋が終わってからでも遅ない。何千回と稽古して覚えて、それでも一回一回違う。このもみじも、あの月も、ほんで、あの船に乗って、今日うちの舞を見る人とも、もう二度と同じ瞬間は共にせえへん。 Bonsoir Audionautes, bienvenue vagabond des fréquences modulées, arpenteur des émotions sonores. Vous écoutez la 24e heure de Tokyo Mental sur Radio Pulsar 95.9 et en streaming sur radio-pulsar.org. Je suis le narrateur et nous sommes ensemble pour les 60 prochaines minutes. Cette semaine, une fois n'est pas coutume, j'ai reçu des messages sur ma boîte email, dont l'adresse est tokyomental@pulsar.org. Tokyomental s'écrit en un seul mot avec un E à la fin. Vous pouvez m'y contacter directement. En ce moment, je réfléchis à un moyen plus simple de vous mettre en contact avec moi, mais sans passer par les réseaux sociaux. Je publie aussi régulièrement des billets sur l'émission et la manière dont je la conçois sur radio-pulsar.org/tokyomental en un seul mot, et avec un E à la fin. La semaine dernière, j'ai passé deux morceaux et on m'a demandé leur titre ainsi que leur rediffusion. Il s'agissait de Daremo Shiranai, qu'on peut traduire par Personne ne sait, du musicien Wind Ark, dont le chant est assuré par la chanteuse Yanagi Nagi. Sur la version courte de ce soir, j'ai rajouté la voix de Kongo Sensei, un personnage de l'anime Aoseki no Kuni, un anime que j'aime beaucoup. Je trouve que cette voix grave et posée colle parfaitement avec l'ambiance de ce morceau. Le second morceau est Daiki Rai, de Teddy Lloyd, en collaboration avec la chanteuse pop R&B Shanmina, dont j'aime beaucoup le travail vocal sur ce morceau. Teddy Lloyd est un DJ que j'aime beaucoup. Décidément, j'aime beaucoup de choses. C'est aussi un producteur de musique électronique japonais, très prolifique, connu pour avoir composé, entre autres, la BO de l'anime Panty and Stocking. Ce soir, je vous propose une version différente de celle de la semaine dernière, une version que j'ai remixée pour l'occasion. On va laisser finir le thème de Momoko-san, composé par Yoko Kanno. Pour la série La Maison des Maiko. Daremo Shiranai et ensuite Daiki Rai de Teddy Lloyd. この星には6度流星が訪れ、6度かけ6個の月を見、全ての生物は海へ逃げ、貧しい浜辺には不毛な環境に適した生物が現れた。繁栄した生物のうち逃げ遅れ海に沈んだものが海底に住まう微小な生物に食われ、無機物に生まれ変わり、長い時をかけ規則的に配列し結晶となり、再び浜辺に打ち上げられた。それが Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Il va y avoir du drame, il va y avoir de l'action, il va y avoir du gros, gros son, des trucs kawaii, mais sur du gros son, de la déstructuration rythmique et des fréquences qui liquéfient les entrailles. Et ouais, nous sommes les faiseurs de musique et nous sommes les rêveurs du rêve. Et accessoirement, et pas qu'un peu, nous sommes aussi le peuple souverain. Vous êtes prêts ? Non ? Oui ? On sait jamais. Le voyage a déjà commencé. Le voyage, vous savez, vers où ? Vers Tokyo Mental. Ah non, ça, on l'a déjà écouté. Mais trompé de touche. ダッタら俺の音楽は聞き、秩序のスタイル。よ、よ、都合よくまともなこと言われても、ダッタら俺の音楽は聞き、秩序も合わねえこと言われても、ダッタらドタマのラップでも聞きな、タイマーが好きならまずなめだるまか、昔のMSCでも聞きな、犯罪じみてるラップが、エロンや般若さえを聞きな、黒くて怪しい、ダッタらよければ呂布からマサイモンジャップを聞きな、イントは何かをまず知りたければジブラやフォークのラップを聞きな、おしゃれなIDまともなTK、IQのTKIRしてDareよりリアルでいかついラップが好きならDOやOrの曲かけな。 約束一緒に笑う日が来るまで恵まれね環境からも抜け出してメイクするため忘れちゃね本気な分諦めねくたばるまで 恐怖メンタル。 I'm a

나는 나로 completed 이 말 믿어도 될 cause this is official. Yeah. Three. 少女は夢見る。魔法少女は切ない。魔法少女は笑ってる。魔法少女はここにはいない。魔法少女は泣いてる。魔法少女は君じゃない。魔法少女は祈ってる。魔法少女は誰も知らない。魔法少女は夢見る。魔法少女は切ない。魔法少女は笑ってる。魔法少女はここにはいない。魔法少女は。 Documental est déjà terminé dans 4 minutes. Merci d'être passé par là. Pour de nouvelles aventures, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 21h. D'ici là, bonne soirée et bonne nuit. Si vous sortez en manif ou bloquez votre collège, lycée, fac, administration ou entreprise, soyez prudents. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les giboulées cette année, c'est particulier quand même. En plus des pluies soudaines et du vent qui sort de nulle part, il y a aussi des averses de grenades lacrymo et des rafales de tonfa. Passez une bonne semaine. A plus.